Chapitre 4. Plus de 30 ans s'étaient écoulés. La fortune de la France et la fortune de Louis XIV, si brillantes toutes les deux à l'époque des premiers événements que nous venons de raconter, avaient bien changé dans cette longue période. Il avait survécu presque seul à ses serviteurs, à sa famille. La reine était morte, et monsieur, et le dauphin, et le duc de Bourgogne. Louis XIV octogénaire allait laisser son royaume épuisé un enfant encore à la mamelle, Louis XV, et ses derniers jours se passaient tristes et solitaires, plus amers encore que le souvenir de l'ancienne prospérité et de son ancienne gloire. Vers cette époque, par un beau jour d'été, un grand nombre de curieux s'arrêtaient dans la rue principale de Moret, près de Fontainebleau, pour regarder un coche armorié et entouré de laquais et de pages qui stationnaient à la porte d'un couvent de bénédictines. En ce moment, un vieillard qui paraissait étranger et dont les habits poudreux annonçaient un voyageur traversait cette multitude compacte et immobile. Il aperçut sur le seuil d'une auberge assez propre un petit homme gros et rouge qui avait toute l'apparence d'un hôte babillard. Ce fut vers lui que s'avança l'étranger. « Monsieur, lui dit-il d'une voix cassée, mais avec l'accent d'exquise politesse d'un ancien courtisan, pourriez-vous me dire si mes souvenirs ne me trompent pas ? Et si les armes que je viens de voir sur cette voiture sont celles de Madame de Maintenon ?»« Vous ne vous êtes pas trompé, monsieur, » répondit l'aubergiste d'un air dédaigneux, causé par l'extérieur un peu misérable du questionneur. « C'est en effet Madame de Maintenon qui vient visiter les dames bénédictines. Une bien brave dame, monsieur, et surtout bien pieuse. »« Je vous remercie, monsieur, » répondit l'étranger d'un ton satisfait. Il entra dans l'auberge et demanda une bouteille de vin et deux verres. Puis il s'assit à une table isolée et fit signe à son hôte de se placer vis-à-vis de lui. « Vous me disiez donc, reprit-il d'un air distrait, que Madame de Maintenon vient souvent visiter les bénédictines de Moret. »« Oui, monsieur, répéta l'aubergiste complaisamment, elle vient chaque fois que la cour est à Fontainebleau, comme autrefois la Fereine et les princes du sang. » Et l'on ne sait pas la cause de l'affection de tant de personnes puissantes pour ce couvent ? Mais on soupçonne bien quelque chose, dit maître Aubertin, l'aubergiste bavard, en clignant de l'œil. L'étranger saisit la bouteille et en versa rasade à son compagnon de table. Contez-moi donc cela, dit-il. Le bonhomme prit son verre et examina d'un air embarrassé la couleur du vin, puis il le vida et semble prendre tout à coup son parti. Vous saurez donc, reprit-il à voix basse, qu'il y a dans le couvent une religieuse dont on rapporte des choses. Quoi donc ? C'est une mulâtresse, à ce qu'on dit. Il y a bien longtemps qu'elle est dans la maison, et du jour où qu'elle y est entrée, toutes sortes de prospérités sont venues tomber sur les bénédictines. Mais ce bon temps qu'il avait conduit ici payait pour elle une grosse pension. Aujourd'hui encore, comme vous voyez, Madame de Maintenon, la favorite du roi, vient passer des journées entières auprès d'elle. Et sait-on quelle est la famille de cette religieuse ? Quel rang elle occupait dans le monde ? Demanda le vieillard d'un ton pensif. Ah ! Voilà la difficulté, dit l'aubergiste en souriant. C'est ce que les habitants de Moret se demandent depuis bien des années. Eh bien, reprit-il après un moment, je pousserai la confiance jusqu'au bout, puisque vous paraissez écouter ces détails avec plaisir. Ma femme est très liée avec la tourière du couvent, et la tourière est un peu bavarde aussi, nous savons. Oh, parlez, parlez, s'écria l'étranger avec chaleur. Maître Aubertin parut enchanté d'avoir si bien captivé l'attention de son hôte. Un jour, reprit-il, il y a de cela plusieurs années, Monseigneur le Dauphin chassait dans la forêt. On entendait du couvent le bruit des corps et des meutes, et on se demandait avec effroi quelle était la cause de tout ce fracas. « C'est mon frère qui chasse, » dit la sœur Marie à ses compagnes. « Elle a dit cela, » s'écria le vieillard avec une émotion toujours croissante. Une autre fois, comme elle était très fière et très hautaine à l'égard de ses compagnes, Madame de Maintenon voulut lui faire entendre en présence de toute la communauté qu'elle avait tort de se croire d'une naissance illustre. « Si cela n'était pas, répondit-elle, vous, madame, vous donneriez-vous la peine de venir me le dire ?»« Oh oui, oui, l'orgueil du sang parle haut chez elle !» s'écria l'inconnu comme entraîné par ses pensées. L'aubergiste restait tout ébahi, sans comprendre. Mais le bruit d'un cheval qui s'arrêta à la porte l'empêcha de faire des réflexions sur la singulière exclamation de l'étranger, et il se pencha à la fenêtre. « Oh ! » s'écria-t-il plein de joie, « voici le colonel des anciens gendarmes de la reine, qui vient attendre ici le départ de Madame de Maintenon. » En même temps, une voix haute et brève de militaire se fit entendre à la porte. « Allons donc, drôle, paresseux !» s'écria-t-elle. « Vite, de l'avoine à mon cheval, et une bouteille de Bordeaux pour moi. Je meurs de soif et de chaleur. » Cette voix fit tressaillir l'inconnu, et il sembla chercher dans sa mémoire à quelle époque et dans quelles circonstances il l'avait entendue. Depuis quelques minutes, le militaire était seul dans un cabinet, occupé à fêter le Bordeaux qu'il avait demandé, quand la porte s'ouvrit tout à coup et le vieillard s'approcha de lui avec gravité. « Que voulez-vous, mon brave homme ?» demanda le colonel avec étonnement. L'étranger ne répondit pas, mais il continua à le regarder d'un œil fixe. Le colonel le prit à son extérieur misérable pour quelques pauvres honteux. « Tenez, lui dit-il en lui présentant une pièce de monnaie, voilà pour boire à ma santé. » L'étranger avança la main, mais c'était pour faire chatoyer Némrod qu'il avait au doigt. À la vue de cette bague, le colonel devint pâle et tremblant d'émotion. « Est-ce un fantôme qui est devant moi ? » s'écria-t-il. Le colonel Chavigny se souvient-il de Chavigny, le simple lieutenant, et de son arrivée à Saint-Germain ? Demanda l'étranger. Oh non, ce n'est pas la Fontmort, le brillant gendarme de la reine, s'écria Chavigny à son tour. Fontmort avait à peine 3 ans de plus que moi. Ses rides, ses cheveux blancs, ce dos voûté, cette démarche chancelante, ce ne peut pas être Fontmort. Ami, on vieillit vite à la Bastille, murmura Fontmort en se jetant dans ses bras. Ils se tinrent longtemps embrassés. Après les premiers transports, ils se placèrent vis-à-vis l'un de l'autre et se regardèrent un moment en silence. « Et vous étiez à la Bastille ?» dit Chavigny les larmes aux yeux. « Regardez, 30 ans. Mais ils vous ont enfin rendu la liberté. Ils m'ont oublié. Je me suis enfui. Et ils ne se sont pas perçus peut-être que je n'étais ni dans mon cachot, ni dans le cimetière. Mais que fait tout cela ? J'existe encore, Chavigny, et j'ai toujours de l'espérance. » Puis il reprit d'un ton lent et solennel. « Voyez la bague de votre mère. Où est le contrat que je vous ai fait au moment du danger ?» Le colonel tira d'une poche secrète de son uniforme un parchemin cousu dans un sac de peau et le présenta à Fontmort. « Voici, dit-il, ce dépôt sacré. J'ai veillé sur lui comme l'avare veille sur son trésor. Il ne m'a jamais quitté. « Oh, merci, merci !» dit Fontmort avec exaltation, en appuyant frénétiquement ses lèvres sur le précieux parchemin. Puis il l'éleva au-dessus de sa tête. « Ma fortune est là » s'écria-t-il. « Les temps ont changé pendant une longue absence. » En ce moment, sa parole était nette et accentuée, sa taille droite et imposante, son geste rapide et assuré. Le vieillard avait disparu. L'homme mûr dans sa sève et son indomptable ténacité apparaissait tout entier avec son ambition dévorante. Le colonel lui dit, en lui prenant la main, « Ami, je sais tous vos secrets. Pardonnez-moi d'avoir lu ce contrat quand je croyais que vous n'existiez plus et d'avoir deviné le reste. Voulez-vous donc recommencer cette terrible partie que vous avez déjà perdue une fois ?»« Le jeu était dangereux, Fontmort. Peu après cette funeste nuit, bien des personnes ont disparu. Il y a eu des exils, des persécutions. Moi-même, j'étais soupçonné. Je jouerai seul, » répondit Fontmort d'une voix sombre. « Il est bien tard pour nourrir encore des idées ambitieuses. Voyez, vous êtes faible et cassé. Les souffrances et les privations vous ont fait vieux avant le temps. Ce ne sont plus des intrigues, des agitations, des inquiétudes, des luttes qu'il vous faut. Il vous faut un séjour tranquille, loin des hommes, loin de la cour. Et cet asile, Fontmort, je puis vous l'accorder. Je vous cacherai à tous les yeux. Je vous rendrai calme et heureux. » « Merci, Chavigny, vous êtes bon, vous, mais je me suis dévoué à une pensée. Il faut qu'elle m'élève ou qu'elle me tue. » Le colonel lui jeta un regard de pitié. « Mon devoir m'appelle, » dit-il en se levant. « Il faut que je vous quitte pour accompagner à Fontainebleau cette maîtresse du roi. Ce soir, je reviendrai. Il vous faudra de l'or, n'est-ce pas ? » ajouta-t-il en baissant la voix. « Oui, de l'or, beaucoup, » répondit le vieillard, « et des armes. » Et ils s'embrassèrent affectueusement, au grand étonnement de maître Aubertin qui entrait en ce moment. Quelques minutes après, le peuple criait à tue-tête « Vive Madame de Maintenon !» Le carrosse doré partait avec un grand fracas, et le colonel Chavigny, qui galopait à la portière, se détournait pour échanger un regard avec Fontmort, qui s'était mis à la fenêtre pour voir le cortège. Quand la foule se fut dispersée et quand tout fut rentré dans le silence, Fontmort demeura quelque temps plongé dans ses rêveries. Ses regards se dirigeaient tantôt sur le couvent, tantôt sur le parchemin qui était resté sur la table. Un bruit léger le fit tressaillir, et il se hâta de cacher dans son sein le précieux contrat. En relevant la tête, il aperçut son hôte qui, en tournant et retournant son chapeau entre ses mains, s'excusait d'un air piteux sur la familiarité qu'il avait montrée le matin à l'égard de l'étranger. Fontmort l'interrompit en jetant sur la table quelques pièces d'or tirées de la bourse de Chavigny. « Je resterai ici quelques jours, » dit-il. « Je veux que ma présence soit inconnue de tout le monde. Je compte sur vous. » L'aubergiste assura de sa discrétion. Il dit qu'il voyait bien qu'il avait affaire à un grand seigneur qui se cachait, que son zèle, son dévouement... Fontmort l'interrompit encore. « Vous me ferez parler à cette ourière du couvent, qui vous a rapporté tant de choses, » dit-il d'un ton pensif.